Le sol est chaud, mais les voix sont froides. Le sable est rouge, mais nos yeux sont noirs. Ride a skill, ride a skill, ride a skill, ride a skill. Ride a skill, ride a skill, ride a skill. Ride a skill, ride a skill. Ride a skill marche, nous suivons. Ride a skill respire, nous aussi. À moitié. On a gagné, paraît-il, mais on a laissé des noms. Des cris, des mains, des frères. J'ai vu un regard, puis plus rien. J'ai entendu un cri, puis plus personne. Ryder Skill tient sa lame, elle baisse plus qu'avant. Elle ne chante plus, elle se souvient. Un nom, un pas, une larme, une dune. Ils ne sont plus là, mais ils sont partout, sous nos pieds, dans nos ombres, dans nos cendres. On marche pas pour fuir, pas pour avancer, mais pour ne pas s'effondrer. Ryder Skill est encore debout, alors nous le sommes aussi, par respect, par loyauté. Plus de cris, juste des noms, plus de coups, juste des souvenirs, plus de guerre, juste nous. Tu entends le vent, il porte encore nos chants, mais plus doucement comme s'il savait. Ce soir on ne frappe pas, on allume une flamme, on respire et on attend que le sable pardonne. Une voix, une mémoire, une marche. Ryder Skill ne dort pas, il veille sur ceux qui ne reviendront pas et ceux qui osent encore marcher.